épaules que pour celui qui cherche. Il n'y a de repos que pour celui qui trouve. Recommencer. Mais dites-moi encore où trouver le chemin. Que je ne cherche plus et que j'aille plus loin. La vérité, la vérité. Sable fin, la vérité, la vérité, la vérité, qui glisse entre mes doigts. Il n'y a de repos que pour celui qui trouve. Il n'y a de repos que pour celui qui cherche. Tu marches au fond de toi et derrière tes pas, et tu ne bouges pas, seul ton regard avance. La vérité, la vérité. Dans vos yeux.